3, 2, 1. Knicks on Friday night, MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. On est de retour, on est de retour. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. Vous connaissez la musique. J'en bafouille les émotions. Pourquoi les émotions? Épisode 52. Ça y est, cette fois-ci, la saison régulière, elle est terminée. Finito, nada. Voilà. Game over, mais non, pas game over, parce que il y a la post-season. Et ouais, ça fait plaisir. On retrouve les Knicks en post-season. On retrouve Joanny pour vous servir et Seb pour m'accompagner. J'espère que tu vas bien, Seb. Ah bah oui, il y a place au grand maintenant. Ouais, place au plat de résistance, place aux choses sérieuses. Alors j'espère que le réseau va pas encore faire des siennes en ce moment. Il est compliqué le réseau, donc on va essayer de réaliser une émission sans trop de coupures, parce que vous le savez, comme à chaque fois, on a énormément de choses à dire. Donc on va pas perdre plus de temps, on va lancer l'épisode 100% actu de KNFTV, le Avenix Week épisode 52, c'est parti. Alors, une bien belle dernière semaine de saison régulière, enfin bien belle sportivement, on va revenir dessus, mais en tout cas d'un point de vue association, oui c'était une belle semaine parce qu'on l'a terminé, on a terminé la saison match 82 par une viewing party. Et oui, c'est ça l'association, c'est des événements pour rassembler des gens, donc encore une fois, on remercie toutes celles et ceux qui ont pu se déplacer dimanche dernier au Hideout. C'était le dimanche de Pâques, week-end prolongé, donc c'était pas forcément évident, mais voilà, KNF c'est la famille, KNF était réunis. On n'a pas fait la chasse aux œufs, mais on s'est bien marré. Bon, le match était pas forcément le plus évident, le plus sympa, ça on va revenir dessus, mais encore une fois, merci à toutes celles et à ceux qui nous ont fait confiance cette saison, qui ont réussi à mener à bien tous ces événements associatifs, parce que voilà, les événements ils existent parce qu'il y a aussi des gens qui viennent, qui participent, et ça fait plaisir. Des nouvelles têtes, des anciens, des anciennes, des juniors, des juniors aussi, parce qu'on a eu des juniors, voilà, dans le cadre du Hideout, c'était très sympa, et voilà, on a passé un très très bon moment ce dimanche de Pâques. D'où aussi le fait qu'il y ait une émission légèrement décalée, parce qu'il y a eu lundi de Pâques, parce qu'il y avait un peu un retour tardif. Voilà, même sans la victoire, on a quand même fêté, arrosé cette très belle saison régulière. Et le lundi, c'était un petit peu dur pour lancer l'émission. Donc, pas de panique, on est là pour le mardi, pour vous souhaiter une bonne semaine, hein, à Avenix Week. Et puis, pour parler surtout des choses qui vont être très intéressantes de ces playoffs qui arrivent. Forcément, on pouvait pas faire l'impasse de parler des playoffs. Bon, voilà, ça, c'était le dernier événement associatif en date. Attention, il y en aura peut-être d'autres, donc restez à l'affût. On va être vigilant par rapport au calendrier de la post-season, en fonction de jusqu'où nos Knickerbockers vont aller. Il y aura peut-être la possibilité de réaliser encore une autre viewing party, sait-on jamais. Donc restez à l'affût, nous, on n'a pas encore toutes les informations du calendrier, mais sachez que si on peut, on le fera. Voilà, ça c'est le dernier événement associatif en date, il y en aura d'autres quoi qu'il arrive. Et puis, dans la sphère NBA, parce que même au sens large, il n'y a pas que les Knicks dans la vie, effectivement. Du côté de Dallas, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, qui se sont dites. Il y a eu pas mal de discussions, de mouvements. Dallas est un peu dans le viseur de la Ligue en ce moment aussi, parce qu'ils ont mis quelques joueurs au repos. Et puis Dallas a fait parler un petit peu du côté de New York. Pourquoi ? Bah parce qu'il y a bien sûr le fameux pick de draft 2023, issu du trade de Kristaps Porzingis, mais oui, rappelez-vous, la licorne, qui provient de Dallas, et ce pick, il est protégé top 10, et avec la méforme, le flop, diront certains, dont moi, je dis que c'est un flop, cette saison des Mavs, ce pick, il pourrait finalement échapper aux Knicks et être reporté à plutôt 2024, l'année prochaine. Donc les Mavs ont fait parler d'eux par rapport à ça, par rapport à leur méforme, par rapport au flop de leur saison, par rapport à ce fameux pic qui pourrait finalement revenir aux Mavs. Ils ont tout fait pour essayer de le conserver. La loterie fera maintenant le travail. Il reste encore à peu près l'équivalent de quoi? 20% de chance que le pic des Mavs Quatre, moi, descende, ouais, descende en dessous de leur position je de crois que 10e c'est, aujourd'hui. je crois que c'est moins de pourcentage de chance Il y a 19 pour et qu'il quelques de chances qu'ils descendent à la position 11. Si c'est position 11, c'est parfait, on le Ah oui. récupère. Après, pour en faire quoi? Ça, c'est autre chose. Et puis après, il peut descendre 12, 13 aussi, il peut descendre quelques places, il ne Mais sera pas. Voilà. c'est vrai que ce pic chez les Mavs va être déterminant pour réconforter Doncic, quoi. Genre, et regarde Luka, quand même on a un pic 10, pourtant tout le reste, c'est pas rien, quoi. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. À voir si voilà, ils n'ont pas réussi à entourer convenablement Luca, Lulu, Luca Magic, comme diraient certains, avec de la free agency, avec des trades. Hein, Kyrie Irving, c'est une expérience à voir si elle va durer réellement. Mais en tout cas, ça n'aura pas apporté ses fruits et ça n'aura pas permis d'atteindre une équipe compétitive à l'Ouest. Il y a eu aussi des déclarations de notre ami Mark Cuban, qui sont un petit peu le seum quand même dans tout ça, par rapport au départ de Jalen Brunson, en disant oui, à la base il devait rester, mais le papa s'en est mêlé, et à partir de là, voilà, tout est parti en sucette. Regardez, regardez, j'ai les textos avec l'agent, regardez. Ouais. Il a déjà fait le coup du tampering, on s'est fait sanctionner d'un second tour de draft. Je crois que c'est 2024, hein, c'est pas 2023, par rapport à cette histoire de tampering, et puis maintenant, voilà, c'est la faute du papa. Bah ouais, peut-être, je sais pas, à voir. En tout cas, voilà, Dallas a fait quand même pas mal Après moi je parler veux d'eux. bien croire moi je veux bien croire que Brunson était OK pour rester à Dallas. Ils ont eu l'opportunité de le re-signer à deux fois, à l'été et à l'hiver. En plus, à un contrat à 52 millions, un truc comme ça, sur 4 ans, enfin bref, bien en dessous de ce que les Knicks après ont proposé. Il a été hyper important dans leur deuxième partie de saison, parce que je ne sais pas si tu te rappelles, mais bon bref, la saison de Dallas a été vraiment en deux parties, la première partie moyenne, la deuxième partie en boulet de canon. Et Jalen Brunson n'était pas pour rien dans cette remontée, et Jalen Brunson n'était pas pour rien dans la bonne série, dans la bonne série des playoffs qui les emmène en finale de conf. Et bien forcément, le garçon, après, ben, il a d'autres prétentions. Hein. Il va le cartonner. Et puis après, ben, New York cherchait un meneur. On lui propose un gros paquet. Il ne pouvait pas mettre au-delà. Il ne pouvait pas matcher. Il ne pouvait pas matcher parce qu'ils n'avaient pas le cap pour le faire. Et puis voilà, donc après, d'ailleurs, il peut s'en mordre les doigts de ne pas avoir senti le coup. Après, en disant oui, on a amené ce joueur. Là, au niveau auquel il est, ben, il fallait le faire signer quand on avait l'opportunité. Pourquoi avoir attendu? Eh Et oui, puis bon, ben eh maintenant, oui. voilà, donc bon, ben, c'est comme ça, c'est la vie, hein. C'est fait, mais voilà, c'est marrant de revoir ces discussions, ces rumeurs, enfin voilà, ces paroles de Mark Cuban qui sortent maintenant. Bon, la saison elle est loupée. Est-ce que Doncic voudra demander un trade prochainement? Il a dit qu'il se plaisait très bien là où il était, à savoir à Dallas. Mais après, on sait que tout peut aller très vite en NBA, à voir de quoi leur avenir sera Coucou, fait. coucou C'est leur Trayang. problème. Coucou Trae Young, ouais, c'est leur problème. Est-ce qu'il y aura un trade Trae Young, Doncic, sait-on jamais. Allons voir, on verra, on verra. Bon, bref, les problèmes de Dallas, c'est les problèmes de Dallas. On en Une est trade, cinq forcément. ans plus tard. Non, mais on en est forcément attentif de leur situation de par ce pic de draft et de par un petit peu les discussions qui ont eu lieu. Dallas, on en a parlé. Dallas, voilà, on a parlé de Jalen Brunson et on va continuer d'en parler parce que Jalen Brunson, c'est un élément clé de cette saison. C'est un élément vital dans la réussite de la saison des Knicks. Et c'est un élément qui pourrait être récompensé. Donc, on a parlé déjà plusieurs fois de cette fameuse course au MIP. Bon, la dernière semaine de compétition de saison régulière n'aura pas permis d'alimenter le dossier pour dire regardez, c'est le MIP, parce que Jalen Brunson, il a un peu été mis au repos. Mais voilà, dans les discussions, dans les projections, ça parle de Lauri Markkanen, ça parle de Shai Gilgeous-Alexander, pourquoi pas, voilà. Donc, est-ce que le bilan positif des Knicks, la qualification directe, elle va jouer à voir. En tout cas, Jalen Brunson, il faut se rappeler que déjà la saison dernière, il était candidat au titre de MIP. Les Dallas Mavericks avaient fait un petit dossier, avaient essayé de monter un petit peu quelques éléments dans le dossier de Jalen Brunson pour être MIP. Ça n'avait pas été lui, ça avait été Ja Morant, un petit peu à la surprise, parce que bon, oui, c'est un bon joueur, un très bon joueur, un joueur élite de la NBA aujourd'hui, Ja Morant, malgré tout ce qui s'est passé en off. Mais voilà, on a été un peu surpris que Ja Morant soit MIP. On s'attend plus à avoir des joueurs entre guillemets d'un calibre un petit peu en dessous. Donc à voir. Donc il y a cette histoire de MIP, il y a cette histoire de Six Man of the Year pour pourquoi pas Emmanuel Quickley, qui est un petit peu en compétition semble-t-il avec Malcolm Brogdon des Boston Celtics. Et on a un certain Damian Lillard qui s'est positionné en disant pour moi le sixième homme de l'année c'est Quickley. Donc on verra si les awards de fin de saison régulière vont sourire aux Knicks. Moi j'ai peur que... Il y a des candidats déjà, en tout cas. Si on en a un, on n'en aura pas deux. Moi je pense, j'ai peur de ça. J'ai peur que IQ ait peut-être joué trop de matchs titulaires. Il en a joué une vingtaine de matchs en titulaire. Donc j'ai peur que je passe pas dans le dossier. Après... dans le dossier lui-même pour Quickley, il y a une stat là, qui est sortie. Hein, ben, les Knicks sont meilleurs quand il est sur le terrain que quand il n'y est pas. Donc, par rapport à Michael Brogdon, en tout cas, ils ont fait un comparo et en fait, la différence, elle est là. C'est que quand IQ est sur le terrain, les Knicks sont meilleurs. Et que quand Brogdon est sur le terrain, les Celtics sont moins bons. Donc, je veux dire, il y a quand même une différence par rapport à ça. Et les choses positives, c'est évidemment sa production qui a été en nette progression par rapport à l'année dernière avec les Dallas Mavericks et nous. Il y a le fait aussi qu'on ait passé un gap, c'est-à-dire que on était 11e l'année dernière, là cette année on est 5e. C'est marrant parce que c'est presque le même classement que Dallas avec et Sam Brunson, c'est-à-dire qu'ils étaient 4e, je crois, un truc comme ça l'année dernière, et là cette année ils sont 11e. Donc, on voit, voilà quoi, juste un mec qui bouge et il y a les curseurs qui vacillent également. Ce qui est dans sa balance, c'est qu'il a pris les rênes de l'équipe. Ce qui pourrait être en sa défaveur, c'est qu'il n'a pas été All-Star en le comparant à Mark Cannon et à Shai Gilgeous-Alexander. Pour Shai, il était déjà bon avant. Je veux dire, je crois que ça se joue à 3-4 points, un truc comme ça, au niveau de sa production statistique. C'est pas énorme, mais il était déjà bon. Enfin, c'était déjà le patron de OKC. Enfin, donc lui, ce qu'il peut proposer, c'est que cette année, il a été All-Star. Bon, All-Star d'une équipe qui est 11e, qui est 10e, pourquoi pas. Mark Cannon, la même chose, hein, All-Star d'une équipe qui ne jouera pas les playoffs cette année. Alors ouais, il a marché sur l'eau, mais bon, on se retrouve avec un mec qui n'a pas non plus été déterminant dans le succès. Enfin, il a été important dans le succès de son équipe, mais il ne les a pas non plus portés au play-in, quoi. Donc, là-dessus... Est-ce que ça va jouer? Est-ce que ça va rentrer en ligne de compte? Moi, j'ai peur que les sélections All-Star se jouent. Moi, j'ai peur que ça se joue. Sinon, sur le papier, pour moi, c'est Brunson. Ça peut être Brunson, au même titre que sur le papier, normalement, Brunson, c'est un joueur All-Star. Après, on va dire, ce qui peut jouer en la défaveur de Brunson, c'est qu'il a évolué cette saison aussi à côté d'un joueur All-Star. Là où Markkanen ou SGA n'ont pas de joueur All-Star dans leur effectif. Donc à voir. En tout cas, on va encore être attentif. Je ne sais pas quand ces awards sont décernés. En tout cas, là maintenant, la saison régulière est finie. On a le classement final des équipes. Les playoffs, les play-in, forcément, ça va jouer parce que ça va rester dans l'esprit au moment des votes. Mais c'est souvent donné au début des playoffs, effectivement. Ceci dit, ce que je voulais dire, c'est que voilà, tout ce qui va se passer maintenant, play-in, play-off, ne sera plus comptabilisé. Les votes ont été faits par les journalistes internationaux divers et variés. Donc on verra. J'ai voté, d'ailleurs. On croise les doigts. J'ai voté. T'as voté. Bien sûr, j'ai voté pour les Knicks, évidemment. Bien sûr, comme à chaque fois, comme pour le All-Star. Alors, on va se faire un mini prono. Si on devait avoir un award entre un Six Man of the Year pour Quickley et un MIP, et où un MIP pour Brunson, qu'est-ce que tu donnerais, toi? Qu'est-ce que tu verrais? Si je dois faire un pronostic, Pronostic, moi, je pense que Brogdon jouit d'une réputation assez grande en NBA et pour l'instant, l'équipe ne l'a pas. Et cette aura, je pense que ça va lui amener le titre. Je verrai entre IQ et Brunson, je vois Brunson plus remporter le titre de MIP que d'accord. Brunson de Sisman. Ok. Et ben moi je vais mouiller, je vais plutôt voir l'inverse. Je vais plutôt voir un IQ Six Man of the Year Tout ça pour qui me va. Voilà. contredire. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et par contre, Brunson, ouais, j'ai peur que finalement, non, le MIP, statistiquement, le gap est moins flagrant que d'autres. Et je le verrais plutôt à Markkanen. Markkanen, même si, voilà, c'est pas le bilan positif. Enfin, le bilan collectif est moins positif pour Markkanen, mais je le verrais plutôt comme ça. Donc voilà, dites-nous en commentaire ce que vous voyez comme award. MIP, Six Man, les deux, aucun. Allez, moi je me Moi, mouille si on sur le prend les Six deux, Man, toi sur le ça me va MIP. très bien. Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis on parlera de All NBA Team un petit peu plus tard. Allez, une dernière petite news qui est tombée récemment. C'est une signature, et eh oui. Alors, il y a eu une pseudo-rumeur à un moment là sur un retour de Melo. Le Ah fameux oui, retour de j'ai Melo. vu que ça s'est enflammé de ouf à l'espace de quelques heures. C'était la dinguerie, quoi. Mais Voilà, non, parce quoi? il y avait jusqu'au 9 avril pour signer des joueurs. Et les Knicks ont signé un joueur, mais non, c'est pas le numéro 7, c'est pas Melo, c'est pas le Hoodie Melo, c'est pas le Melo avec le bandeau. Non, on ne le verra pas cette saison en NBA. Je pense que ça sent vraiment la fin cette fois-ci. Aucune équipe n'a daigné le prendre voilà, toute cette saison. Mais par contre, on a signé un Azaïa, un nouveau Azaïa. Alors, ouais, lui, c'est la même orthographe que notre Hartenstein, je sais plus. Je me mélange. Mais Azaïa Roby, voilà, un tout jeune poste 4 hein, qui a évolué à OKC, qui a évolué un petit peu aux Spurs, bah, qui s'est retrouvé à être libre. Et les Knicks se sont positionnés dessus. Alors, bon, on va pas s'enflammer. Azaïa Roby, il a vraiment peu de chances d'intégrer la rotation là, sur cette post-season. Est-ce qu'il va être juste présent pour le training camp? À voir. Bon, signature, une de plus. Léon avait envie de sortir le chéquier un petit peu sur la fin. Surtout que c'est un contrat garanti. Donc il y a quelques petits millions de dollars qui partiront dans la poche de Monsieur Roby. Après, Est-ce que. comme je dis, est-ce que ce type-là va rester? Est-ce qu'il va faire partie d'un package de trade pour, tu sais, pour de la masse ou je sais pas quoi? Je suis assez dubitatif par rapport à ce genre de signature. Oui, on a parlé en long, en large, en travers des rotations qui ont été raccourcies cette saison par Thibodeau et ça a porté ses fruits. Il y a des joueurs qui sont au bout du banc et qui sont très bien installés à côté de la fontaine à Gatorade. Azaïa Roby, je vois vraiment pas quelle place il pourrait trouver à très Ah court ouais, parce terme. que ça, c'est la chasse gardée de Trevor Keyes quand même, hein. Donc Ouais, non, mais il y en a d'autres. Il y a eu un Dequan Jeffries qui a été signé aussi pour compléter le roster quand il y avait besoin. On Dequan sait qu'il y Jeffries. a Ah ouais. Evan et Derrick, hein, donc voilà, même si Evan, on l'a vu un petit peu ces derniers temps. Mais voilà, donc une Et Jericho signature. Sims, ça ferait un beau 5, hein, mine de rien. Ouais. Bah, il va falloir du garbage time pour voir tout ce monde à l'œuvre. Allez, on parle maintenant des derniers matchs de la saison régulière. Il y en avait trois au programme de la semaine passée. Les affiches étaient pas très très compétitifs. C'était pas des gros candidats, des gros clients. Il y avait deux matchs à l'extérieur, un match à domicile. Les Knicks avaient déjà clinch hein, le playoff, avaient déjà l'adversaire en tête. On avait Julius Randle qui était sur la touche avec une botte. On a plus la botte, tant mieux, il est toujours sur la touche, il se repose, il se remet. Il normalement doit être évalué le 14 avril, donc la veille du match 1, Ah, des j'avais écrit playoffs 2 face jours aux avant, Cavs. moi. Moi j'avais vu que c'était le 14. Bon bref, D'accord. l'évaluation est imminente. Est-ce qu'il va être apte? On verra. En tout cas, toute cette semaine, il était au repos. Ça a profité au joueur qui est derrière dans la rotation, à savoir Obi Toppin. Et il s'est plutôt amusé cette semaine. Et puis Jalen Brunson qui a été touché au doigt, main droite. Alors pour un gaucher, c'est un petit peu moins gênant. Mais n'empêche qu'un joueur, type meneur, il joue avec ses deux mains. Et là où il disait, oui, moi si je peux jouer, je vais jouer. J'ai envie de jouer, j'ai envie d'être en rythme. Et ben finalement, c'est une semaine complète où on ne l'a pas vu. Oui, On n'a c'est pas pas plus vu mal. jouer. C'est pas plus mal, il a été beaucoup sollicité cette saison, il n'y avait pas forcément besoin de tirer un petit peu sur la corde et sur les effectifs, sur les les corps, voilà, sur les joueurs pour cette dernière semaine. Les organismes. Les organismes, c'est le terme que j'ai cherché. Pas besoin de tirer sur les organismes. Il y a des joueurs qui avaient un petit peu des fourmis dans les jambes. Il y avait moyen de les faire jouer sur cette période. Et bah, les joueurs se sont plutôt illustrés. Alors, des matchs offensifs, hein, on a mis des points. On a peut-être un peu moins défendu. On a pris quand même quelques valises en termes de défense. Dans l'ordre Ah, ça a été All-Star chronologiquement. Game. Ouais. Ça fallait scorer, ça a scoré. Hein, voilà. Donc des records en carrière sont tombés. Premier match dans l'Indiana chez les Pacers. Bon, les Pacers qui n'avaient plus rien à jouer non plus. Pour eux, le spot 11 était bien, bien calé. Il n'y avait plus vraiment de possibilité de topper une place en play-in. Donc voilà, donc premier déplacement chez eux. Quentin Grimes qui fait 36 points, c'est pas mal. On a une belle triplette avec Quickley et également Obi à plus de 30 points. Donc ça faisait une belle paquet d'années de saison qui n'avait pas eu autant de joueurs d'Enix à plus de 30 points sur un match. Donc bravo à eux. Donc voilà, c'était le festival offensif. 138 à 129, voilà, on prend beaucoup de points, on score beaucoup. Qu'est-ce qu'on retient de ce match? Hein, c'était fun à voir parce que ça courait, ça gambadait. T'as retenu quelque chose de particulier sur ce premier déplacement chez les Pacers? Alors, comme tu dis, ces derniers matchs, c'était un peu la foire à la saucisse, quoi. C'est-à-dire que tout le monde a fait son petit tour, si bon. Moi, ce que je retiens, c'est que Grimes a été nous a sorti. Bon, là, on parle de un match, mais sur les autres suivants et puis sur ceux d'avant, et sur une super dynamique, une dynamique de fou. Et alors, j'ai vu la stat ce matin passé ou hier, en termes de pourcentage à 3 points, je crois, depuis le All-Star Game, et il se cale au taux de réussite entre les deux Splash Bros. Oui. Ah oui. Rien que ça. Entre Stephen Curry et Thompson. Et voilà, c'est le frère illégitime caché. Voilà quoi. Donc en effet, en plus, on l'avait remarqué, hein, qu'il y avait quand même des pourcents, enfin, qu'il avait une réussite un peu plus importante, hein, cette année à 3 points. Enfin, en tout cas, en deuxième partie de saison. Et ça se retranscrit dans les stats, dans les chiffres. Donc moi, ce que je retiens, c'est vraiment là l'émergence de Grimes au bon moment. Au bon moment. Au bon moment, on aura besoin des joueurs du banc. Grimes, c'est pas un joueur du banc, c'est un joueur du starting five, parce qu'il faut le rappeler, oui, il est starter depuis un bon moment dans la saison. Il était blessé au tout début de la saison, et c'est pour ça que Evan puis Cam Reddish, oui, on se rappelle d'eux, ont occupé le poste 2, mais Grimes est rapidement venu reprendre sa place. Et voilà, moi j'ai tendance à le comparer un petit peu à un Klay Thompson. J'aimerais qu'il ait cette trajectoire. Il a des similitudes dans le jeu. J'ai entendu une comparaison il n'y a pas très longtemps et qui m'a fait dire, ah oui, c'est peut-être aussi ce type de joueur. Et on verra, parce que ça peut faire une belle carrière. Une carrière à la Danny Green. Un 3D qui peut se lâcher, qui a le poignet qui dégaine assez vite. Et finalement, un joueur de banc, enfin, un joueur de rotation, un joueur Oh, de roster important, complémentaire, un blue collar, qui est important. très intéressant. Qui demande pas forcément, qui a pas vocation à devenir All-Star, donc on verra. Est-ce que Trois la titres, hein, Danny carrière Green, de... hein, quand même. Ouais, c'est pour ça. Donc si on arrive à avoir un joueur entre un Danny Green ou un Klay Thompson, forcément, on préfère avoir un profil à la Klay Thompson. Mais aujourd'hui, non, il n'est pas utilisé en première option offensive. Bien sûr, là, en ce moment, sur les derniers matchs de saison, oui, parce que la rotation était complètement chamboulée avec les absences. Mais voilà, en tout cas, Mais on sait qu'on il a un amène joueur avec un beau potentiel, quoi. il amène plus que son shoot à 3, hein, l'ami Grimes quand même. C'est-à-dire que il a quand même il est ami avec le ballon, hein, il sait le manier, il n'y a Oh pas de oui. problème. Il sait faire des passes. Je veux dire, ses petites pénétrations, ces petits décalages, ses passes à Mitch, même si bon, l'autre, il a des mains des gaufres, mais elles sont là quand même des passes, hein, elles sont précises. Enfin, je veux dire, l'ami Quentin est bon. C'est un bon joueur, c'est un bon petit jeune qui, là, cette année, était dans sa véritable saison NBA. L'année dernière, elle avait été tronquée par une blessure. Et là, en fait, comme on en avait discuté dans des émissions précédentes, c'est que bah, je pense qu'il a passé en fait un moment un peu compliqué, comme une sorte de rookie wall en retard. En décalé, Et ouais. ouais. Et puis là, en fait, bon, ben voilà, là, il laisse parler son talent, il est en rythme, il joue. Et Graham, c'est un super joueur. On ne parle pas de IQ parce que maintenant, c'est bon, on n'est plus, comment dire, on n'est plus, pas hypé, hein, mais on n'est plus surpris par ce qu'il fait. Voilà, je veux dire, maintenant, Quickly, on sait ce qu'il sait faire, même si des fois, il énerve un petit peu parce qu'il a ce côté un peu trop œillère. Ouais, tunnel. Et À un voilà, moment, un peu ça trop arrive. tunnel, Ouais. c'est un peu dommage, mais sinon, c'est un mec qui en backcourt associé à Grimes, ça marche terriblement bien. Et donc, pareil, lui, il nous fait une fin de saison en boulet de canon, c'est pas pour rien que, même plus qu'une fin de saison, une moitié, les Oui. trois quarts, les trois quarts de la saison, il nous fait une super saison, hein. Donc maintenant, Kuti, voilà, on sait de quoi il est capable, c'est pour ça qu'on en parle un peu moins. C'est pour ça que pour moi, là, c'est plus la sensation, c'est plus Grimes en cette fin de saison que Quick, parce que lui, voilà, on sait de quoi il est capable, on en a parlé, on sait que c'est un super jeune aussi. Voilà, donc moi, ce que je retiens le plus, c'est vraiment Grimes, quoi. La bonne forme du moment, c'est Grimes, et ça tombe bien parce que c'est un joueur qui va être utilisé dans les prochains jours, dans les prochaines semaines en playoff. Donc ça soit, c'est bien qu'il soit en rythme, en forme et qu'il soit en adresse. Donc on va voir, on va en reparler. On va parler tout à l'heure des Factor X dans la série face aux Cavs, mais le nom de Grimes est peut-être un nom qui va revenir. En tout cas, voilà. Donc ça, c'était le premier match, une victoire, donc cool. On avait prolongé la série de victoires. Malheureusement, cette série de victoires, elle s'est arrêtée. Hein, il fallait qu'elle s'arrête. Elle s'est arrêtée donc à la Nouvelle-Orléans chez les Pelicans. Donc c'était un match qui était, voilà, qui était plus à enjeu pour les Pelicans parce que Bien eux sûr, avaient ah oui. besoin de consolider leur place. Là où nous, bon. Oui, si on prend la victoire, tant mieux, mais voilà, c'était plus bonus qu'autre chose. Bon, on retrouve encore l'effectif voilà, de post-season, enfin, de fin de saison régulière en attendant la Pas de post-season. Mitch. Pas de Mitch sur ce match-là, il était présent sur le match d'avant. C'est Hartenstein qui start, là où plus tôt dans la saison, c'était Jericho Sims qui avait été starter quand Mitch était sur la touche. Donc on a vu un peu de Jericho Sims, mais Et voilà, pas d'énergie, c'était. je crois aussi. Je sais plus. En tout cas, RJ quand il est là ou quand il n'est pas là. On... Bref. Mais tout ça pour dire que oui, on a vu Evan aussi sur ces différents matchs. Pas Obi vraiment. qui essaye de se faire plaisir. Bon, une défaite combien? Je regarde le chiffre 105-113. Pas Bon, honteuse, deux non. matchs. Pas honteuse. Voilà, le Ça se match est joue un sur peu la fin, sur accroché. Le match est accroché avec les Knicks du match. qui font des comebacks et puis voilà, au bout d'un moment le comeback se fait plus. Les Pels étaient un peu plus au complet, même s'il n'y avait pas Zion. Et voilà, ils ont été prendre une Bah, victoire ils avaient qui leur équipe de saison, hein. Comme tu dis, bon, il n'y avait pas Zion, mais là, Zion, il est plus dans l'effectif. Si, il y est, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a, Il il y jouera a été plus au, ou... il y a été au début, mais ça fait 50 matchs qu'il n'y est plus, donc voilà. Enfin. Et ils n'avaient pas Alvarado aussi, le petit voleur de ballon. Donc, une équipe au complet qui joue quelque chose. Et les Knicks ont fait un super match. Moi, je trouvais que c'était vraiment un beau match et ils avaient bien joué. Dommage, la défaite est là parce qu'elle se joue en toute fin de match et puis tu sens qu'il manque ce petit grain de talent sur la fin. Mais franchement, je trouvais qu'il y avait du répondant. On avait une équipe où on était amputé. Si, je crois qu'il n'y avait pas Mitch et Hardy, je crois. Mais pour qu'il y ait Evan qui joue, qu'il ait des minutes et Dios aussi, je crois que notre 5, c'était Hartenstein, Obi, Hart, Grimes et IQ. Je crois que c'était ça, notre 5. Et ce 5-là a tenu la dragée haute à une équipe des Pels qui avait quelque chose à jouer parce que eux étaient encore soit en play-in ou en play-off, enfin voilà. Et moi je trouvais que ce match était très plaisant. La défaite était au bout dommage, mais moi ce match, dans la façon dont on a joué, la circulation de balles et compagnie, j'ai beaucoup aimé. La défaite Si, était si, là, si, c'est si, dommage, mais comme je dis, dans le ouais. contenu, j'ai beaucoup aimé. RJ était présent sur ce match-là, RJ était c'était là, sur le ok. match, c'est sur le match d'avant. Mais bon voilà, RJ, on va pas ouvrir le dossier aujourd'hui. Non, mais c'est pour dire que on avait quand même une équipe très remaniée et on a tenu la dragée haute à une équipe qui jouait un truc elle. Voilà, donc là c'est dommage, la série s'est arrêtée, mais bon, c'était pas honteux, c'était pas scandaleux. Effectivement, l'effectif était un peu court. Il y a eu quelques flashs, il y a eu des périodes de comeback où on revient, mais voilà, au final, la Nouvelle-Orléans l'emporte, et c'était un petit peu logique compte tenu des enjeux et du besoin plus important pour eux de gagner que les Knicks. Et puis le dernier match, c'était le match de la viewing party, ça se passait au Madison Square Garden, on va en parler très succinctement. Voilà, les joueurs avaient forcément un peu la tête tournée ailleurs à la suite, il y avait les petites, on va dire, festivités d'après-match, on va dédicacer des trucs et tout. Juju c'était là, JB était là, il a fait son petit discours en disant « c'est pas fini ». Les Knicks ne sont pas finis, la saison n'est pas finie, ça on le sait bien, il y aura minimum 4 matchs, on espère le plus possible en tout cas, mais les Knicks seront... Oula, le téléphone qui sonne, bravo. les Knicks seront bien présents au Madison Square Garden de nouveau pour jouer, donc là on aura une ambiance un peu plus folle je pense, c'était bon enfant. C'était feutré, hein. Match. Ouais. C'était feutré, ouais c'était feutré. Bah on va dire, je pense que tu te réserves pour la suite, hein, pour les vrais matchs. Et malheureusement, bah voilà, les Knicks se sont fait surprendre, ça a été un match très offensif, un peu trop, hein. Ça marque 45 points sur le premier quart, ça en encaisse 41 avec un shoot... du milieu du terrain de George non, mais... Hill, un shoot what the fuck. Ils ont joué assez 26% à 3 points. Je sais pas si tu te rends compte. Ouais. Avec un Buddy Hill qui était tranquille, hein, qui était chez lui quasiment. Bref. Et puis bah, les Knicks qui ont joué un jeu d'attaque, mais bon, au bout d'un moment, voilà, on sentait que ça allait pas le faire, que ça allait nous échapper tout ça. Et finalement, ça se termine par une défaite. C'est dommage. Après, on termine tout de même avec un bilan de 47 victoires cette saison. Il y en a peu, vraiment peu à avoir pronostiqué tout ça. Je crois que les cotes de over-under là, étaient placées à 38. Hein. Donc, on est quand même 9 matchs au-dessus de ce qui avait été prévu au début de saison. Donc c'est dommage, hein, on n'est pas très loin de la barre des 50, qui est une barre symbolique. Il y a quelques matchs dans la saison qu'on aurait pu prendre, qui auraient permis de les avoir, mais il y a aussi quelques victoires qu'on a eu à l'arraché, je pense au buzzer beater de Julius Randle à Miami. Donc voilà, donc bon, c'est une défaite, c'est dommage, c'est mieux de terminer sur une victoire, surtout quand il y a une petite semaine de break avant d'attaquer les playoffs. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, je pense que cette défaite, elle impacte pas le moral. Hein. Elle impacte pas le moral. Non. Tu sentais déjà que les joueurs n'étaient pas hyper plus quand tu voyais la vidéo bombe d'IQ derrière l'arbitre quand il fait son review là. Là tu sens que le mec il est pas à fond quoi. Il est pas dedans, ouais. Il n'y avait pas le focus habituel en tout cas. Mais voilà. C'est pas grave, ça permet de se relâcher un petit peu, de relâcher la pression. Oui, c'est pour ça que cette défaite, ça va pas entamer le moral. Pas de blessure. Et puis on va parler vite. Des choses sérieuses, parce que là, ça c'est bien beau, la saison régulière c'est fini, tous les compteurs sont remis à zéro, et on va avoir une compétition tout autre, hein. Donc on parle de ce qui... On est une équipe de saison régulière, on est une équipe de play-off, bien sûr. Voilà, c'est ça, on n'est pas une équipe de saison régulière. Allez, on s'occupe de ce qui se passe cette semaine. On mélange pas les torchons et les serviettes, s'il vous plaît, quand même, mais... C'est quoi la punchline? On mélange pas les aigles et les pigeons? Bah les aigles, c'est... Bah, bref. Allez! Ils sont en cage, c'est fini. Allez, là on fanfaronne, on fait les malins, mais on va avoir quelque chose de très sérieux qui arrive. Et donc moi je te propose d'en parler tout de suite. Allez, on regarde ce qui arrive cette semaine. Ça y est, on arrive aux choses sérieuses. Autant la fin de saison régulière, elle nous a pas hyper hypé. Hein. On a regardé les matchs pour voir un petit peu qui allait jouer, comment ça allait jouer. Ça a joué différemment, avec un jeu beaucoup moins en isolation, avec un partage de ballon, avec des petits jeunes qui ont pu jouer. Mais ça y est, là maintenant, on arrive aux choses sérieuses. Le jeu va changer, les adversaires vont changer, ça va être des matchs à enjeu. Pas d'élimination directe tout de suite, au meilleur des 7 matchs. Donc il y a au moins 4 matchs de playoff à voir, dont 2 au Madison Square Garden. J'espère qu'il y en aura plus, bien sûr. On va vous parler un petit peu de cette série qui s'annonce face aux Cleveland Cavaliers. Alors une série, une opposition qu'on n'a pas eu beaucoup dans l'histoire des deux franchises. Finalement, il n'y a eu que trois séries de playoffs plutôt au premier tour à chaque fois. 78, 79 je crois, 95 et 96. Donc c'est pas beaucoup d'opposition. Il n'y a pas une rivalité historique comme on peut l'avoir avec des franchises comme Miami ou comme les Indiana Pacers ou les Chicago Bulls. Donc voilà, donc c'est pas une affiche qui est vraiment teintée de rivalité. Après, il y a tout le storytelling qu'on connaît autour de Donovan Mitchell, sa non-venue, le non-trade qui a pas pu se faire finalement entre le Utah Jazz et les New York Knicks, et le fait qu'il soit maintenant dans l'Ohio. Il y a eu aussi ces matchs de saison régulière où les Knicks ont un bilan de 3 victoires, 1 défaite. Mais la saison régulière, ça reste la saison régulière. Donc voilà, donc là on est hypé. On voulait un peu cette opposition. C'est celle qui, sur le papier, est la plus proche, la plus accessible pour les Knicks. On va en parler, de savoir si c'est vraiment qui est les favoris dans cette série. Voir un petit peu les match-up, parler des facteurs X, voir un peu à quoi s'attendre. Mais voilà, on est parti sur une série qui va démarrer sur cette fin de semaine. Alors, il y a de la hype, il y a un calendrier qui est pour l'instant pas tellement défini. On n'a que la première date, on sait juste le premier match, le Game 1. La NBA n'a pas encore communiqué sur l'ensemble du calendrier. On peut le comprendre vis-à-vis des play-ins. Ceci dit, pour la série 4-5, il n'y a pas de résultat de play-in à attendre, comme pour la série d'ailleurs 3-6. Donc le premier match, il aura lieu samedi, dans la nuit de samedi à dimanche. À vrai dire, pour nous français francophones, minuit dimanche. Hein, donc le 15, c'est ça? 14-15, bref. Dans la nuit de samedi à dimanche, un match dans la Morgan Field House Arena, je crois, c'est ça? Ils changent tout le temps de nom de salle. Hein. À un moment, c'était la Quick Unload, machin, bref. À Cleveland. Bon, on va passer aux choses très sérieuses. On avait été un peu déçus, forcément, la saison dernière, de ne pas pouvoir retourner en playoff une deuxième année consécutive. L'année du We Here, ça avait été une surprise. L'avantage du terrain, est-ce que c'était vraiment un avantage? Pas si sûr que ça. La place de quatrième, elle était peut-être un petit peu surévaluée pour les Knicks. Et puis, il n'y avait pas vraiment eu de confrontation. Il n'y avait pas d'expérience non plus pour une bonne partie du roster qui n'avait jamais joué de playoff, en dehors de Derrick Rose. Donc, c'est dire aussi si on arrivait très très frais en playoff, très très jeune, très très innocent en playoff. Là, il y a un effectif qui a grandi, qui a mûri, qui est plus deep, qui est plus profond en termes de rotation. Voilà, on est excité à voir cette série de playoffs. On est impatient. Seb, t'es impatient, comme moi, de voir maintenant ce que va valoir cette équipe des Knicks en playoff. Ah, ben évidemment, là, ça va être le révélateur. Hein. Là, plus personne peut se cacher. Il y a plus de filet sous la barre sur laquelle tu traverses. Tu sais, voilà quoi. Sur le. Là, c'est sans filet quoi. Voilà. Là maintenant, il y a pas 82 matchs pour te rattraper. Là, ça se joue comme tu dis au meilleur des quatre. Faut être bon tout de suite, ou du moins être performant assez rapidement parce que prendre l'eau et prendre du retard, c'est compliqué à rattraper derrière. Il va y avoir évidemment pas mal de choses à observer là-dessus. Moi, ce que je retiens déjà juste dans un premier temps, c'est que quand on regarde par rapport à l'effectif de 2021, on a remplacé le Elfrid Payton, si on prend le 5, on a remplacé le Elfrid Payton par Jalen Brunson. C'est pas mal. On a remplacé donc Bullock par Grimes. C'est pas mal. RG restait toujours en place, Julius est toujours en place. Et enfin, on a Mitchell Robinson dans le 5 à la place de Nerlens Noel. Alors bon, c'est une précision très. C'est un peu mieux. Ouais, c'est une précision très importante parce que effectivement, on se rappelle de la déroute face aux Hawks, mais c'était une déroute. Voilà, beaucoup ont cristallisé sur Julius Randle, sur le fait qu'il n'ait pas répondu présent, qu'il n'a pas réussi à élever son niveau de jeu, même maintenir son niveau de jeu. Il avait subi beaucoup de prises à deux, il avait vraiment un supporting cast qui n'était pas très présent pour le coup. Ça, il faut s'en rappeler aussi. Et il y avait effectivement l'absence de Mitchell Robinson, qui, même s'il a un jeu offensif assez limité, a une présence défensive très importante. Et cette Et une saison, prise de rebond, une prise de on rebond l'a aussi. vu au niveau de la prise de rebond, au niveau des rebonds offensifs, il donne énormément de secondes chances aux Un des Knicks. meilleurs rebondeurs offensifs de la ligue. C'est ça, avec Hartenstein qui est pas loin non plus. Donc on a une présence au rebond qui est très importante en saison régulière. Est-ce qu'on va pouvoir avoir toujours cet avantage face à une raquette aussi musclée en face? Ça va être un élément aussi important à Et scruter pour sur faire cette une série. et pour faire la Et pour faire la fin de cette review un peu d'effectif, donc bon, on a compris le 5 a quand même plus jeune, un peu plus talentueux. Et puis sur le banc également, donc on a remplacé un D-Rose qui avait fait une excellente, pareil, saison, mais qui en playoff, on lui avait fait endosser ce costume de Zoro, peut-être un peu trop ingrat, un peu trop important pour un vieux Derrick Rose. Là maintenant, donc on a Derrick Rose qui est remplacé par Emmanuel Quickly, plus défensif. Et aussi bon offensivement, donc ça joue. On a un Burks qui est remplacé par un Josh Hart, qui peut-être moins fringant offensif, mais plus dur défensivement. Oui, Et et au rebond. Et au rebond. Là, les où les rebonds, rebonds sont et importants, voilà, les Josh rebonds Hart qui apporte beaucoup au rebond. comme tu dis. Et bon, en même temps, donc on n'avait pas besoin non plus d'avoir un profil à la Alec Burks, ça, je veux dire, justement, un mec qui défend le plomb et qui récupère du rebond, c'est parfait. Et puis, et à rotation intérieure, bon, et on a Hartenstein qui avait remplacé donc le guerrier, mais peut-être un peu trop limité, Taj Gibson. Donc voilà, donc je trouve qu'il y a quand même un gap qui est passé en 2 ans entre cet effectif du WIR, comme tu disais, qui avait surpris tout le monde dans une saison raccourcie et qui avait fait un jeu justement très flamboyant. Et cette saison justement, on se retrouve avec un effectif plus jeune, plus dynamique, qui se repose sur deux individualités, parce qu'on se reposait que sur Julius en 2021. Là, cette année, on a deux mecs qui prennent leurs responsabilités. Donc, on a quand même un effectif plus complet et qui sera plus à même de se battre contre des Cleveland Cavaliers qui, eux, ont, faut bien le rappeler, quand même un effectif très complet et extrêmement talentueux également. Oui, et puis on a parlé, voilà, on a fait un petit peu la comparaison entre ces deux retours en playoff des Knicks. Les Cleveland Cavaliers, moi je les mets quand même un ton au-dessus des Atlanta Hawks qu'on avait affrontés il y a 2 saisons de ça. Donc bon, peut-être que les Knicks Il y a sont débat. mieux Je suis pas. armés, peut-être que Je les suis. Knicks sont plus expérimentés, ont plus de vécu, ont appris aussi de cette expérience passée parce que Quickley était rookie. Obi Toppin aussi. Alors Obi Toppin, on l'a beaucoup vu sur la fin de saison régulière. Je ne sais pas quel rôle on va pouvoir voir de lui Oh, il en récupérera son playoff. rôle normal, je pense. Hein. Il récupérera ses 15 minutes. Faut pas s'attendre. Faut que les gens s'en aient dans l'idée qu'il va bouffer. Là, c'est bon. Il a fait 3 Non, matchs. bien sûr, bien sûr, bien sûr, il va. Il va bouffer des. Non, non. Il va Il retourner va gentiment à ta place, rentrer. Il va c'est-à-dire rentrer dans le fin, rang. début de seconde. Voilà, début de seconde, début de quart, de quatrième. Et voilà quoi. Faut. Attention, parce qu'on parle des fois de raccourcir les rotations en playoff, elles sont déjà pas mal raccourcies. Est-ce Oui. que voilà, lui ne va pas subir un peu le côté il a moins de temps de jeu, il arrive juste avec une petite dizaine de minutes. À voir, à voir, à voir. Surtout qu'avec un Julius qui aura été reposé. À voir comment Julius revient aussi. Tu l'as dit, tu l'as dit. L'équipe repose sur deux fortes individualités qui ont tendance à beaucoup s'accaparer le ballon. Jalen Brunson, qui va revenir de sa petite blessure à la main. Voilà, on pense plus que c'est du repos qu'autre chose. Il y avait quelques difficultés à la cheville et tout, mais voilà, il aura eu de quoi se reposer, recharger les batteries et arriver frais en playoff. Pas en rythme, mais frais. Et puis on a Julius Randle, dont pour le moment on n'a pas encore de retour précis concernant sa date de reprise. On espère qu'il sera là dès le match 1, ça serait vraiment mieux. Parce que effectivement, Obi Toppin, là, il a fait le travail en attendant. Mais démarrer en Game 1 à l'extérieur avec un Obi Toppin starter, je ne serais pas forcément vraiment rassuré. Hein. Autant démarrer la série tout de suite avec les hommes forts, les joueurs forts, les meilleurs joueurs. On sait que les playoffs, c'est des séries de matchs. Contre un même adversaire, et c'est les meilleurs joueurs qui, des effectifs qui doivent porter les équipes. On a des facteurs X d'un match à l'autre, un role player qui va s'illustrer. Mais les joueurs qui doivent être réguliers, qui doivent porter les équipes, c'est les joueurs stars, c'est les leaders des équipes. Et les leaders des équipes en ce moment, côté Knicks, c'est Jalen Brunson et Julius Randle. Donc voilà, il y en aura deux. Il y en aura deux. On aurait aimé en avoir trois. Mais il y en aura deux. Et derrière, après, un coup, un match à l'autre, peut-être que c'est un autre joueur qui va s'illustrer, qui va être meilleur. Meilleur score, meilleur rebondeur, meilleur passeur. Bon, on verra, mais en tout cas, oui, le fer de lance est composé, le serpent à deux têtes d'Enix, c'est composé de deux têtes, et c'est Jalen Brunson et Julius Randle. Donc espérons que Julius Randle puisse être apte dès le match 1. À voir dans quel niveau de rythme il va se retrouver, parce que c'est jamais évident de reprendre et puis d'attaquer direct sur un Game 1. Il y a une certaine forme de pression. Il va être attendu. Il est attendu, ça c'est certain, Julius Randle. Il est attendu parce qu'il y a eu un flop de sa part. Il y a eu un échec de sa part lors de sa première campagne de playoff. Il a ce vécu. C'est pas un joueur idiot. Il sait qu'il avait déjoué. Cette saison, on a eu l'occasion de voir différentes combinaisons, différents matchs de saison régulière avec ou pas Julius Randle. Le dernier, il faut se rappeler que c'est une victoire des Knicks et il n'y avait pas Julius Randle. Et il était assez récent. Donc voilà. Les enseignements de la saison régulière n'ont rien à voir avec les enseignements qu'on peut avoir en playoff. En face, il y a aussi des joueurs très forts. Il y a des joueurs très forts, dont un Donovan Mitchell qui connaît les playoffs, qui est capable de gros cartons offensifs en playoff, comme en saison régulière. Faut pas oublier qu'il a mis 71 points dans un match de saison régulière, donc c'est un joueur qui peut prendre feu. Est-ce qu'on a vraiment des joueurs à mettre en opposition qui peuvent aussi tenir la dragée haute en termes de scoring haut niveau, à voir. On l'a vu lors de tout dernier match de saison où Jalen Brunson a battu son record en carrière avec les 48 points. Mitchell était à quoi, 41 sur ce match-là aussi. Donc il y avait un mano à mano offensif entre les deux. Mais voilà, il va falloir aussi se poser les questions de qui vont défendre sur nos deux joueurs forts. Côté Cavs, et inversement, qui va défendre sur les joueurs forts des Cavs côté Knicks. Voilà, oui, il va y avoir du Garland, du Donovan Mitchell, voire du Mobley. Hein. C'est un peu les trois joueurs qu'on attend, les trois joueurs forts qu'on attend côté Cavs. Côté Knicks, les deux joueurs forts qu'on attend soir après soir avec cette vingtaine, trentaine de points pour porter l'équipe offensivement. Ça va être Brunson, ça va être Randle. Barrett, on n'en attend plus ce rendement-là, malheureusement. Est-ce qu'il va pouvoir bénéficier de certaines ouvertures? Je sais pas. Mais voilà. Barrett, il faut qu'il joue son jeu. Faut qu'il arrête, pour le bien de tous, de tirer à 3 points. Faut qu'il arrête. C'est pas fait pour lui. Je veux dire, il y a des joueurs, c'est pas fait pour lui. Hein. Tu prends DeMar DeRozan, le shoot à 3, c'est pas fait pour lui. Ben, Barrett, c'est pas fait pour lui. Voilà. Donc, il faut qu'il arrête. Faut qu'il arrête de shooter à 3 points. C'est désastreux. Bon, après, on en a déjà discuté. Hein. Vous savez, moi, ce que je pense d'RJ, c'est un joueur que j'apprécie. J'ai rien contre lui. Hein. C'est pas. Je vais faire du trash talk. J'ai rien contre lui. Je l'adore. Mais donc il a des qualités intrinsèques énormes. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'RJ, il va passer au révélateur là aussi. Autant sa première année, voilà, bon, RJ Barrett, quand il arrive, quand il découle les playoffs, il est sophomore. On se dit qu'est-ce qu'il va donner, qu'on est quand même patient avec lui. Là, cette année, maintenant, non. Il s'est positionné en début de saison, voilà, comme la troisième position, comme la troisième. Comment dire, option offensive de l'équipe. Si on regarde certes les stats brutes, il a diminué parce qu'il est passé, je crois, en dessous des 20 points par match. Je crois qu'il était au-dessus et là, bon, bref. RJ, il faut qu'il profite des défenses qui vont être étirées par nos artilleurs que sont Graham, c'est que son IQ. Et il faut qu'il profite de ça pour jouer son jeu, c'est-à-dire la pénétration, le drive. Il n'a pas de, il a pas de grands skills offensifs, hein, ça on en a déjà parlé. Son jeu au poste est quasi inexistant. Dès qu'il est trappé, il perd régulièrement la balle, ou en tout cas, il ne sait pas quoi en faire. Il fait une passe, atterrit dans les tribunes, bref, voilà. Donc il faut qu'il joue, il faut qu'il joue son jeu, c'est-à-dire de. Il faut qu'il bully, quoi. C'est ça qu'il sait faire. Il sait rentrer, il sait monter, il sait aller au contact, il sait finir Ouais, sous le cercle. Donc, mais dans cette série, malheureusement, il y a deux protecteurs de cercle qui vont nous jouer des, qui vont nous poser des difficultés, qui Et oui, il s'appellent y a Jarrett Jarrett Allen et Evan Allen, Mobley. et oui. Donc, ben, d'où l'importance de faire sortir les défenses. Donc voilà. Mais moi, je pense que RJ, s'il amène déjà ses 15, ses 15-16 points par match, ce sera bien. Même si évidemment on entendra plus hein, de lui, ce sera important. On aimerait plus, Maintenant, on aimerait plus. maintenant je pense que le troisième, et on va sûrement le voir encore une fois en playoff, le troisième larron sera Quickly qui va parce que je pense qu'on a quand même une meilleure seconde unité que la leur. Donc un Emmanuel Quickly qui va lui amener ses 18-20 points en sortie banc. Rien, c'est pas rien. Donc je pense que lui va être important, va être déterminant. Il va y avoir plein de choses à voir pendant cette série, c'est Ouais. ça qui va être Alors, passionnant. avant d'aller peut-être un peu plus loin sur la review et la preview pardon vis-à-vis de Quickley, juste pour finir sur Barrett, effectivement, on l'attendait comme étant la troisième option ou le trio, enfin voilà le numéro 2, enfin peu importe, mais vraiment un gars qui compte dans le Big Three des Knicks. Finalement, cette saison, on a vu qu'il a eu du mal à trouver sa place, à avoir du rythme en termes d'adresse au shoot. Voilà, on sait que c'est toujours compliqué. Est-ce qu'il va pouvoir profiter, comme tu le dis, du fait que Brunson et Randle vont vraiment accaparer l'attention des Cavs, pardon, au niveau de la défense, et lui pouvoir avoir quelques chemins d'accès au panier? On sait que Randle, c'est un stretch fort. On sait qu'il aime shooter à 3 points et il l'a fait toute la saison. Est-ce que ça va permettre de sortir un petit peu Evan Mobley, qu'on devrait voir, on va dire, en opposition, et profiter pour laisser des pénétrations à du Grimes, pourquoi pas, à du Barrett, pourquoi pas. En tout cas, il va falloir utiliser ces espaces parce que oui. RJ, il n'est pas adroit de loin. Il a tendance à en prendre des shoots. Et en même temps, quand le shoot est ouvert, bah oui, vas-y, prends-le. Ce qui serait bien, c'est qu'il les mette. Mais voilà, donc du coup, est-ce qu'il va pouvoir profiter de l'attention, de la diversion portée sur plutôt Brunson et Randle pour aller trouver des espaces dans la raquette? Dans la raquette, elle va être bouchée. Hein, elle va être bouchée. Moi, je vois pas un Isaac Okoro venir en défense sur RJ Barrett. Ils vont pas forcément les Cavs mettre, Ils vont on va l'attendre, dire, ils un vont l'attendre, match-up ils vont mettre les barbelés défensif dans la raquette et ils vont l'attendre. vis-à-vis de la raquette. Mais autrement, c'est plus, on va dire, peut-être du Donovan Mitchell qui devrait défendre sur RJ Barrett, voire du Garland. Voilà, mais c'est de lui piquer des ballons. Alors le problème, c'est que RJ, il n'a pas forcément un super handle. Il a tendance à perdre des ballons. Il n'est pas en confiance en ce moment. Non. Après, il est plus physique que Mitchell ou plus Oui, physique que mais le Garland. problème c'est Donc. que le problème c'est qu'il n'a pas de jeu au poste, donc c'est ça qui est un souci, quoi. Mais voilà, en tout cas, il y aura une certaine forme de Mais si tu, même passage. si tu lui mets un petit gabarit. Ouais, mais voilà, à lui d'en profiter, parce que la série pourrait lui laisser quelques opportunités de pouvoir se montrer, de pouvoir voilà, profiter des ouvertures pour apporter une solution, une alternative offensive quand Julius et Brunson, eux, seront dans le collimateur des défenses. Moi, j'ai très peur de la raquette des Cavs parce que voilà, elle va boucher pardon, l'accès au panier. On sait que Brunson arrive à faire un peu le côté petite perceuse et trouver des ouvertures. On sait que le backcourt des Cavs va être là pour scorer. Ça c'est une certitude. Il va falloir essayer de freiner plus que de stopper, les ralentir plus que les stopper. Mais c'est la raquette qui va être un élément important. Là où on avait une très forte présence au rebond, on sait aussi qu'en playoff, le jeu ralentit, que les rebonds, bah, c'est encore plus important parce que ça redonne des deuxièmes chances, parce que voilà, ça verrouille l'accès aussi en défense. Est-ce que Mitchell Robinson va pouvoir avoir ce rayonnement? Je ne sais pas, hein, ce qu'il a pu apporter pendant toute la saison régulière. Lui, en interview de fin de match sur la fin de saison, était plutôt confiant. Après, bon, Minch, on sait quelle est sa communication, il est un peu foufou et tout. Voilà, il a un côté un petit peu clown. Mais il dit ne pas avoir peur de la raquette des Cavs. La lutte au rebond va être très importante. Et est-ce qu'on va pouvoir avoir un Mitch Robinson, un, qui n'est pas pris par les fautes, on peut espérer, mais qui arrive à tirer son épingle du jeu dans cette paire Mobley-Allen. Depuis le début un petit peu de sa carrière, il a été un peu opposé, confronté virtuellement à Jarrett Allen. Et là, il a un profil qui va un peu lui correspondre, un peu un pivot long, filiforme et qui a un bon sens du contre et qui a une belle présence au rebond également. C'est leur mission défensive. Faut pas oublier que Jarrett Allen, il était All-Star la saison dernière. Donc on verra l'état de forme et s'il n'y a pas de blessure. Mais la série, elle va jouer aussi sur qui va dominer dans la raquette, en rim protection et au niveau des rebonds offensifs. On a beau avoir un Josh Hart qui apporte du rebond sur un poste qui n'est pas à la base destiné à être un poste de rebondeur, mais la paire de tours jumelles, elle va être compliquée à gérer. Moi, je pense qu'au niveau des match-up, ce qu'on va avoir. Je pense que les Cavs vont mettre en mission un Isaac Okoro sur un Jalen Brunson. Ils vont pas forcément mettre un Garland ou mettre un Donovan Mitchell. Ils ont plutôt besoin, eux, de leur présence offensive que de se mettre en mission défensive. Okoro, c'est pas un joueur sur lequel il compte énormément offensivement parlant, même s'il peut mettre quelques paniers, ça c'est sûr. Mais voilà, il va sûrement, je pense, être mis en mission défensive pour gêner, freiner, bloquer l'accès au panier et le développement du jeu de Jalen Brunson. Donc moi, c'est comme ça que je vois un peu le plan des Cavs. Après, on verra vite si dès le Game 1, ils ont un plan tout autre. Mais voilà, c'est plus la match-up que je pressens. Et nous, côté Thibodeau, je vois plus une mission un peu comme il l'a fait déjà tout le reste de la saison. Quentin Grimes en mission défensive sur Donovan Mitchell. Attention de ne pas prendre trop vite de fautes, parce que ça, voilà, il y a aussi un écart de jeu, de joueurs, et on sait que les statuts de All-Star et autres, ça joue, et même aussi en playoff. Donc espérons que Quentin Grimes ne se fasse pas prendre par les fautes trop vite, parce qu'on a besoin de lui sur la défense. On a aussi besoin de lui, comme on l'a dit et comme on l'a vu en fin de saison régulière, sur la capacité à étirer et à shooter de loin, et à se lâcher, et à faire profiter le collectif de son jeu de passe. Donc moi je vois un petit peu les missions offensives-défensives de la sorte. Et autrement, sur le reste, bah voilà, un Jarrett Allen, Mitchell Robinson, un Evan Mobley, Julius Randle. Est-ce que Randle va pouvoir défendre sur Mobley? Bon, est-ce que Julius Randle va pouvoir défendre tout court? Ça, c'est un peu la question. Donc voilà, donc ça va être une série très intéressante. Mais il y a quand même des effectifs qui sont denses. Tu disais, la seconde unit, elle est peut-être meilleure côté Knicks que côté Cavs. Faut pas oublier qu'il y a du Caris LeVert, il y a du Ricky Rubio. C'est vrai. J'en oublie Chetty Osman, c'est ça? C'est du Osman, Kevin Love, il est parti. Merci. Kevin Love ne va pas nous mettre des 3 points. Et il est parti au Miami Heat, ouais. donc tant Dean mieux. Wade. Dean Wade, c'est ça. J'en oublie un autre, là. Bref, ils ont quand même un effectif qui est assez dense et qui peut poser des problèmes. Oui, on a Quickley. Quickley, c'est un profil qui est un peu difficile à défendre parce que difficile à attraper. Donc là, oui, lui devrait avoir un rayonnement et on l'attend. Moi, je l'attends vraiment comme la troisième option offensive des Knicks cette saison. Je pense Cette aussi. saison, sur ces playoffs. RJ, on disait 15-16 points. Allez, vas-y, profite des soirs où tu as un peu quelques ouvertures. C'est le moment de se montrer, le moment de se rabibocher un petit peu avec la fanbase des Knicks. Profite des opportunités, du fait que tu sois un peu moins attendu sur cette série, parce que l'attention sera portée sur d'autres. Mais Quickley doit avoir un rayonnement aussi important, doit être un peu le côté dynamiteur des défenses. Et voilà, donc on a hâte que cette série débute. Hein. On a hâte. Après, débuter à l'extérieur, pour moi, c'est mon avis, je pense que c'est la meilleure des choses. Ça permet de relever un niveau de pression. Objectif, gagner un des deux matchs pour arriver au Garden sans tout de suite l'ultimatum de il faut gagner tout de suite parce qu'on est mené 2-0. Mais ouais, l'objectif, ça va être d'essayer d'en prendre un. Le premier, c'est souvent voilà le match un petit peu surprise, mais les joueurs ne sont pas non plus, ils sont un peu rouillés quoi. Ils ont pas que ce soit Brunson, que ce soit Randle, on ne sait pas si on va l'avoir. Bon, mais s'il y en a un à prendre, il serait bon ton de prendre le premier, comme ça on met tout de suite une sorte de petite pression, et puis après, bah voilà, si tu prends le deuxième, tant mieux, tu mènes les Cavs de 0 avant de rentrer chez toi, c'est parfait. Mais voilà, le premier match, il va être vraiment très déterminant, déjà de voir un peu les oppositions, il n'y a pas tout de suite les automatismes et les ajustements de coaching. On n'a pas vraiment parlé coaching, on a d'un côté Tom Thibodeau, qui a quand même une certaine expérience des playoffs, même si la dernière fois ça s'est pas hyper bien passé. Et on a à quoi? Un fils Bickerstaff, c'est ça? Je sais pas s'il a Jimmy déjà. Bickerstaff. Un GB peut en cacher un autre. Nous, on en aura un sur le terrain. Eux, ils en auront un sur le banc. Je sais pas si GB Bickerstaff, il a déjà coaché en playoff. J'avoue que c'est un élément que j'ai pas encore regardé. Sais pas. Thibodeau, oui, il a du vécu en playoff. Ça va être une histoire d'ajustement. Mais est-ce que Tom Thibodeau a moyen d'ajuster au niveau de son effectif? Je suis pas sûr. La rotation, elle est installée depuis longtemps. On sait sur quels sont les joueurs forts. Il va pas réduire la rotation. Peut-être que Obi aura moins de temps de jeu, ça on en a parlé. Je pense pas, moi. Hartenstein, il Enfin, va je pense avoir que son la temps de jeu. rotation, elle va rester la même. Mais on les connaît les joueurs, on les Elle était connaît. déjà très courte et je pense qu'il va se reposer sur ce qu'il sait faire. Et moi, je vois pas, en fait, je le vois pas, en fait, raccourcir les rotations. La rotation est déjà courte. On a joué comme on a joué comme on aurait pu jouer toute la saison. Donc, pour moi, ça bougera pas. Pour moi, on aura les mêmes minutes qui seront réparties. Ça va dépendre de l'état de forme des uns et des autres et qu'il n'y ait pas de blessure parce que là le niveau d'intensité va augmenter. Voilà les petits bobos qu'il y a eu en fin de saison, il y en a pour toutes les équipes. Les Knicks ne se sont pas arrivés en fin de saison complètement essoufflés. Beaucoup avaient peur de ça. Par contre, voilà, est-ce qu'il y a moyen d'élever son niveau de jeu maintenant que le révélateur des playoffs va arriver? On va le voir. En tout cas, on a un Jalen Brunson qui a l'expérience des playoffs, qui a pu porter une équipe la saison dernière avec les Mavs face au Utah Jazz. Donc là aussi, il y a un petit peu un revival, un petit peu des retrouvailles entre un Donovan Mitchell qui s'était fait sortir par Jalen Brunson. Donc ça aussi, au niveau de l'opposition, les joueurs se connaissent, ils se sont joués en playoff. Ils n'étaient pas forcément en opposition directe la saison dernière, parce qu'il y avait quand même du Mike Conley aussi côté Utah, il faut le rappeler. Mais voilà, donc les joueurs se connaissent. Ça va faire une série vraiment, vraiment sympa. On a hâte vraiment que ça commence. On va parler pronostic, forcément. Je sais pas si toi tu veux revenir sur un élément avant qu'on parle de pronostic et de facteur Non, non, non, X. t'as tout dit. J'ai tout dit? Mince, j'ai tout dit. Je voulais pas tout dire, mais voilà la réflexion du moment. Pour moi, les Cavs partent favoris. Non seulement ils sont quatrième, ils évoluent avec l'avantage du terrain. Je m'attends et j'espère une série disputée. Pour moi, une série disputée, ça veut dire minimum 6 matchs. Minimum 6 matchs. On avait fini en 4-1, on avait gagné qu'un match et ça avait été trop vite expédié. Ça serait dommage, voilà, d'un 4-0 ou un 4-1, se faire éliminer trop vite. J'aimerais une série disputée. Pour moi, il faut au moins gagner 2 matchs, au moins. Après, voilà, quand on est à 2-2 ou à 3-2, tout peut se passer. Les Knicks n'ont pas l'avantage du terrain. Cette saison, on a un bilan qui est meilleur à l'extérieur que à domicile. Ceci dit, l'ambiance de playoff à l'extérieur, voilà, c'est pas la même chose. Le public de Cleveland peut être assez bruyant et bien présent. Ils vont aussi retrouver les playoffs, faut le dire, hein. La saison dernière, ils avaient fait une belle saison, mais ils n'étaient pas sortis du play-in. Donc voilà, donc pour eux, ça va être vraiment le retour aussi des choses, des belles choses. Et donc pour finir, donc voilà, s'il fallait sortir deux choses à pronostiquer, quel est pour toi le facteur X des Knicks sur cette série de playoffs? S'il faut sortir un nom, le facteur X, le joueur qui fait que voilà, il a un rôle primordial pour faire gagner l'équipe, sans parler des joueurs stars, sans parler de Jalen Brunson ou sans parler de Julius Randle, eux, on les attend. Est-ce qu'ils vont répondre présent? On le verra. Quel serait le joueur qui va faire la différence sur cette série, selon toi? Bah, j'en ai deux. J'en ai un Ah, il en faut défensif. un, hein? C'est-à-dire. Il en faut. Ah ouais, mais t'as tout dit, mais t'as pas tout dit. C'est-à-dire que quand t'as parlé en fait, du secteur intérieur, on sait très bien de quoi est capable offensivement Cleveland. Mais je pense que la série va se gagner de la façon dont on va maîtriser la raquette. Et si on arrive à faire prendre des fautes à l'heure de tour, évidemment que ce sera plus simple pour nous pour la suite de la rencontre et de la série. Parce que pour moi, on sait très bien ce que va amener Garland, ce que va amener évidemment Donovan Mitchell, ce que vont amener les autres extérieurs. On connaît leur puissance offensive, mais je pense que la série va se jouer sur la façon dont on va arriver à verrouiller la raquette. Est-ce qu'on va avoir une raquette forte qui va arriver à récupérer les rebonds et à pas donner de seconde chance, ou est-ce qu'on va se faire bouffer et broyer par Allen Mobley, et là c'est foutu et on n'arrivera à rien parce qu'ils vont voilà, nous écraser de leur domination. Donc moi je pense que cette série va se jouer sur la façon dont on va arriver à verrouiller la raquette dans tous les aspects qu'ils soient, en rebond, en pénétration, en contre, en dissuasion, en tout. C'est l'élément central de cette série. Après, un facteur X, moi je dis Quentin Grimes chez les Knicks. Okay. Ça va être sa façon en fait à prendre des trois et à voir est-ce qu'il va garder ses hauts pourcentages de fin de saison. Je veux dire, avoir comme ça un artilleur dans le coin ou un peu partout, il peut marquer à 3 points, c'est hyper important. On sait qu'un 3 dans la NBA actuelle c'est déterminant, et un 3 peut nous remettre dans le match, un 3 peut arrêter un momentum, un 3 peut nous donner l'avantage. Donc c'est voilà, je pense que lui va être le facteur X de cette série, outre notre façon à conserver la raquette. Je pense que Quentin Graves sera de notre équipe. Ok, très bien, on note. Bien sûr, la raquette, on en a parlé. Moi, je vais vous donner un facteur X. Pour moi, ça va être IQ. IQ sortie de banc, IQ intenable par la défense des Cavs. Pour moi, j'attends un IQ qui fasse effectivement le relais, la troisième option offensive, et qui fasse sauter les verrous qu'il puisse y avoir parfois, que ce soit de loin, parce qu'on sait qu'il est capable de shooter de loin, on sait qu'il est capable de finir en flotteur, on sait qu'il a un arsenal qui est plutôt complet, donc c'est lui que j'attends vraiment en facteur X sur cette série. Il est attendu parce qu'il a fait de belles choses sur la fin de la saison, mais j'espère qu'en playoff, il va pouvoir garder ce haut niveau de performance et mener la vie dure à tous ces cavaliers. Donc pour moi, j'ai pas cité IQ. J'ai pas cité IQ. Il en fallait un. Il en fallait un. Oui, non, mais j'ai pas cité IQ parce que, comme tu l'as dit, pour moi, ce sera la troisième option. Donc ça, pour moi, il sera un élément incontournable. Ouais, mais voilà, moi j'espère qu'il va réussir à réussir à garder ce niveau. T'imagines que Quickly, quand même, dans l'imaginaire, toi et moi on le pense, donc je pense que beaucoup de gens le pensent aussi, dans l'imaginaire désormais de beaucoup de gens, en fait, c'est Quickly notre troisième option, c'est fou, mais c'est peut-être la réalité. Et on va voir si en playoff, il arrive à avoir ce côté feu follet, électron libre, qui lui permet de faire de très belles choses en régulière. Donc pour moi, c'est ça qui peut faire la différence sur cette saison, sur cette série. Et donc, on va essayer de finir, parce qu'il va falloir rendre l'antenne, par un pronostic. Il va falloir rendre l'antenne et donner un pronostic. On va pas donner un pronostic juste sur le premier match, on va donner un pronostic sur la série. Il y a la raison, il y a le cœur, mais bon, voilà, il va falloir se mouiller. Moi, je l'ai déjà plus ou moins partagé avec pas mal d'adhérents ou sur les réseaux sociaux, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais garder mon idée en tête. Mais toi, Seb, quel est ton pronostic sur cette série au meilleur des 7 matchs? Qui des Cavs ou des Knicks passe et sur quel score de la série? Ah, malheureusement, je ne vois pas passer. Et je ne nous vois pas passer, mais comme toute cette saison, on a été une équipe très accrocheuse, une équipe défensive qui a pris que très très très rarement des blowouts, qui souvent les décisions se sont jouées dans les 2 dernières minutes d'un match. Donc moi, je nous vois malheureusement perdre au premier tour contre les Cleveland Cavaliers en 4-3, en 7 matchs au dernier match, malheureusement. D'accord. Le drama est là, mais je nous vois là en 7 matchs contre cette équipe des Cavaliers. Eh bien, écoute, je vais plus ou moins te suivre. J'aimerais que les Knicks se qualifient. Ça ferait une belle poursuite Bien de sûr, cette série tout le et de monde cette aimerait. saison. Tout le monde aimerait, mais j'ai peur que les Cavs soient plus forts que les Knicks. L'avantage du terrain, oui, ça peut jouer ou pas, à voir. Mais moi, je vois plutôt une défaite en 4-2. Voilà, donc oui, ça peut se terminer chez nous, ça peut se terminer à New York, malheureusement. Mais j'ai peur de Donovan Mitchell, j'ai peur de la raquette des Cavs. Et pour moi, ça serait La plutôt une raquette, défaite hein. 4-2. Après 4-2, ça permettrait, C'est entre pas guillemets, 4 d'avoir une série compétitive. Et puis de voir après l'été prochain comment on essaye d'upgrader le roster pour faire mieux la saison d'après. Voilà. Bon, vous avez nos pronostics. 4-3, 4-2. En tout cas, on veut une série qui dure. On veut pouvoir avoir des matchs des playoffs, profiter Marquez des les vôtres playoffs, en kiffer les commentaire. playoffs. On attend en commentaire de cette vidéo vos pronostics sur le facteur X, sur qui c'est qui récupère des awards, sur le score de cette série. Et puis, on va vous donner rendez-vous très bientôt sur KNFTV pour au moins débriefer les premiers matchs. Bah oui, parce qu'il y aura quand Ouais, même un peu de matchs à parler et ça va faire plaisir d'être en mode playoff sur KNFTV. D'ici là, portez-vous bien, supportez les Knicks, montrez vos couleurs et puis, bah, have a Knicks Week! Allez! Allez les Knicks, et on vous donne rendez-vous très bientôt sur KNFTV. N'oubliez pas la cloche pour pouvoir avoir les vidéos dès qu'elles sortent. Ça sera pas forcément tout le temps le lundi. Et ouais, on est en mode playoff. Allez, portez-vous bien et let's go Knicks. Ciao, ciao! Salut! Ciao! Let's Salut! go Knicks.